Bonjour à tous, nous avons tous récemment vu cette photo qui représente la toute première image d'un trou noir, et on a un peu de mal à comprendre à quel point c'est extraordinaire d'avoir ça. Alors oui, la photo est floue, mais en plus d'être la preuve photographique d'une théorie datant de la relativité générale émise par Einstein en 1915, le trou noir en question se situe à 55 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la photo qu'on a vue représente le trou noir tel qu'il était il y a 55 millions d'années. Et ça fait loin en kilomètres, hein. Ça donne 520 milliards 300 millions de milliards de kilomètres. Pour donner une échelle de temps, l'objet le plus rapide créé par l'homme est la sonde Helios 2 qui atteint les 70 km par seconde, et c'est pas mal puisque c'est à peu près deux fois la vitesse de la Terre autour du Soleil. Eh bien, Helios 2, il lui faudrait 236 milliards d'années pour atteindre M87. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut prendre une photo d'un objet aussi loin ? Aucun télescope peut voir aussi loin. Eh bien, c'est vrai. On peut pas construire des télescopes qui font ça. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des gens malins sur Terre, puisque les scientifiques ont utilisé un système qui s'appelle l'interférométrie. Et pour la faire courte, la puissance d'un télescope se mesure à la taille de son miroir. Et l'interférométrie permet d'utiliser plusieurs télescopes séparés pour les relier virtuellement comme si on avait un gigantesque miroir. Mais vous tenez bien que c'est pas aussi simple, puisqu'en fait le miroir virtuel ne reçoit que des franges d'images et qu'il faut combiner avec des semaines d'observation et des milliards de calculs pour obtenir l'image voulue. Voilà ce que représente la photo qu'on a tous vue. Sinon, vous êtes bien dans le podcast où on parle des moments historiques de la conquête spatiale, mais aussi de l'actualité du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 25. Aujourd'hui un programme spécial puisque pour une fois nous ne sommes pas allés au cinéma, la faute à une programmation qu'on a jugée médiocre et aux agendas boursouflés de travail de certains participants. C'est pourquoi nous faisons un spécial pilote de série, ainsi nous partirons de plus en plus haut, on commencera à Los Angeles avec Eugene Frantz, puis au paradis avec Miracle Workers et on finira pas loin de M87 avec Final Space. C'est Guillaume au micro et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de montage parallèle, à savoir Cédric, Marie et Fiona. Et pour la deuxième fois de suite, notre invité Yannick revient. Yannick, est-ce que tu as compris ma blague sur les montages parallèles ? Non. Parce que c'est montage en série. Le scénariste montage non, parallèle. Non, non, non, c'est l'électronique, le montage en série, puisqu'on fait des séries aujourd'hui. C'était bien, hein. Je sais. Au courrier des lecteurs, un mail d'un certain Adam de New York qui nous écrit à propos de Dumbo. Qui nous dit « C'est pas crédible ce rejet qu'il a subi cet éléphant. Il est très mignon ce petit. Et pourquoi Keaton veut virer la mère? Ça n'a aucun intérêt. Il a qu'à les laisser ensemble. Dumbo ferait le show avec plaisir. » C'est vrai, donc j'y avais pas pensé. Ah et aussi, c'était un rêve ou pas les éléphants bulles? Parce que si c'est réel, Keaton n'a pas besoin de Dumbo. Hein. Il est déjà incroyable son show. Merci Adam pour cet avis et n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie. Mais c'est vrai, retirez la parole immédiatement. Yannick, tu n'as plus ton joker. Tu l'as pas oublié. Hein. On commence tout de suite avec Eugene Frantz, et c'est donc écrit par Andy Mogel, Jarrad Paul et bien sûr Gad Elmaleh. Et c'est Yannick qui nous le pitch. Alors, Eugene Frantz, c'est Gad Elmaleh qu'on connaît, qui est l'artiste célèbre en France. Et là, il a un tournant de sa vie. Il décide de tout plaquer. Il part s'installer à Los Angeles pour retrouver son fils de 16 ans, qu'il a eu avec une américaine, et qui est aujourd'hui devenu mannequin, et qui déteste la comédie, donc son père. Et Gad, il va avoir fort à faire pour renouer les liens avec son fils, d'autant qu'aux États-Unis, il est absolument pas connu, tout le monde se fout de lui. Tout le monde se fout de lui. Très bien, Fiona. Alors, dans un pilote, souvent, ils essayent de nous accrocher pour le reste de la série, donc ils mettent le meilleur. Et c'est vrai que c'est le meilleur épisode, parce que j'ai vu la suite. Et c'est le meilleur épisode de toute cette grosse merde. c'est vraiment, je trouvais ça très nul. Alors, je vais te demander de te concentrer sur le pilote. On ne fait que les pilotes aujourd'hui. Non, mais d'ailleurs, vous pourrez me demander, mais dis donc, si tu as trouvé le pilote si nul, Fiona, mais pourquoi as-tu donc pourquoi regardé tu la suite? Pourquoi, Fiona, tu as regardé la suite? Eh bien, justement, parce que ça m'intéressait, par conscience professionnelle, pour voir comment ce pitch, qui est pourtant à la base, je trouve, très bon, a pu être aussi maltraité. On a donc, je trouve que l'idée pour la comédie est super et aussi pour l'émotion de voir un artiste qui cartonne dans un pays aller aux États-Unis et redevenir un nobody et en plus être un nobody aussi pour son fils qui le déteste parce qu'il a été absent, parce qu'il a choisi sa gloire qui n'a plus aucune importance là où il est. Eh bien, ils ont complètement raté parce que c'est pas drôle, déjà, première chose. Les personnages sont absolument pas attachants. Ils finissent aussi sur un cliff, on en parlera aussi après, mais qui n'est pas un cliff, c'est une affiche d'une série, ça sort de nulle part, c'est pas accrocheur du tout. Il y a une explication, mais c'est assez mal fait. Non, mais l'explication, on l'a que parce que justement j'ai regardé la suite et qu'on comprend que cette série va être importante. Il le dit très vite. Il dit c'est un signe. Il fait une phrase, il y a une phrase quand il va à la salle de musculation avec son fils, il dit oui, j'ai arrêté d'être acteur, maintenant je m'occupe de mon fils, donc là on est censé nous comprendre, spectateurs, qu'il ne pourra jamais redevenir le père de son fils tant que cet autre homme, comme Alan, il s'appelle, est là. Et il dit, oui, j'ai arrêté d'être acteur. Enfin, sauf si on me propose cette série, évidemment, là, je replongerai. Et qui va être, parce que moi aussi, j'ai regardé la suite par acquis professionnel, qui va être tout l'intrigue du personnage pendant toute la saison. Et donc, ça va trop vite, mais c'est implanté dès le pilote. Non, ça va beaucoup trop vite pour faire un cliff, parce que, justement, à aucun moment, il dit... Oui, je pourrais redevenir acteur. Ça ne veut absolument pas dire si je redeviens acteur, j'abandonne mon fils et mon fils adoptif. C'est sous-entendu, parce que moi, je n'avais pas le pilote. Hein, mais... Bon, bah alors. Voilà, merci. Parce que tu es scénariste, moi, j'ai pas compris. Hein. Moi non plus. J'avais pas compris. Mais là où je suis même pas d'accord avec toi, finalement, je trouve qu'il y a un problème dès le concept, parce qu'on nous dépeint un Gad Elmaleh qu'on a marre d'être célèbre, qu'on a marre de prendre des selfies, qu'on a même marre de se taper des meufs. Et il arrive, il est outré de ne pas être reconnu. Mais bah c'est ça que tu cherchais. Et justement, c'était aussi mon gros problème, c'est pourquoi Gad va aux États-Unis, ce n'est pas clair du tout. Dans une séquence tout à fait émouvante, où Gad est au piano. Juste après un spectacle. Juste après un spectacle, et il part avec son manager pour parler de sa mélancolie. Et il lui dit, alors j'ai noté, il dit, je suis cramé. T'as jamais envie d'avoir une vie normale, donc on se dit ok, c'est vraiment la célébrité qui veut fuir. Et après il dit j'ai personne avec qui le partager, donc on sait pas trop si c'est la célébrité qui veut fuir ou retrouver son fils. Et ces deux objectifs se télescopent, et clairement non, en fait c'est retrouver son fils, puisque la célébrité elle lui manque énormément quand il est aux États-Unis. Oui, Marie. Oui, mais justement, je trouve que le personnage de Gad Elmaleh, c'est dommage parce que, en fait, c'est un personnage qu'on connaît déjà, et on aurait pu complètement s'appuyer sur ce personnage médiatique pour aller plus vite et en faire quelque chose de simple. Et au final, je trouve que c'est un personnage qui n'est, au final, pas du tout présenté, pas du tout établi. On a l'impression qu'il a un tournant de sa vie, mais on ne comprend pas pourquoi. Il a tout ce qu'il veut, mais il est triste. On ne sait pas tellement pourquoi non plus. Il a visiblement un fils de 16 ans, donc pendant 16 ans, il n'en a eu rien à foutre. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi non plus. Il a un acquis de conscience, il décide de tout plaquer pour aller le retrouver. Mais en fait, ce qui m'a dérangée, c'est qu'on ne voit pas du tout... le choc, la prise de conscience, le tournant dans la vie de cet homme pour qu'on puisse s'attacher à son objectif. Alors déjà, tu as raison Fiona, l'objectif est flou, mais en plus de ça, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça partait d'une bonne intention, c'est-à-dire que cet homme qui est hyper connu en France a pour cela sacrifié l'enfant qu'il a eu avec une ancienne compagne. Donc on se dit, ok, c'est un peu un connard, hein. En même temps, il a réussi son pari parce qu'il a eu la carrière qu'il espérait. Pourquoi maintenant il change d'avis en fait Alors tu as raté la scène très émouvante où il est dans la voiture avec son chauffeur et puis il regarde des parents jouer avec leurs enfants dans un parc. Et là, nous on est censé comprendre. Oh le pauvre. Oui mais voilà, mais justement tu vois, je trouve ça vraiment dommage parce que des jeunes, enfin je veux dire Gad Elmaleh en plus il est apprécié par notamment des jeunes. Dire il doit en croiser tous les jours de sa vie parce que d'ailleurs on voit qu'il prend des selfies avec plein d'ados tout le temps. En fait on comprend pas du tout pourquoi. En fait l'impulsion de cette série, c'est quoi le concept de base, qu'est-ce qui va donner tout le reste de la série, qu'est-ce qui va lancer cette aventure. Si, alors je défends encore cette série, juste avant de donner la parole, ce qui lui donne l'impulsion, c'est que son ex-femme lui écrit en lui disant il faut que tu signes les papiers pour que mon nouveau mec soit le tuteur légal. Et c'est là qu'il prend conscience, il dit oh mon dieu j'ai abandonné mon fils, je ne peux pas faire ça, si je signe ce papier, je ne serai officiellement plus son père et je gâcherai cette chance. Voilà, et mon avis, c'est ça l'impulsion, je ne dis pas que ça suffit, mais c'est ça l'impulsion, Cédric. Oui, je suis d'accord avec toi, moi je vous trouve dur parce que je trouve qu'en termes d'enjeu, les choses sont assez bien posées. Après, le gros reproche que je ferais au pilote, c'est que les curseurs ne sont pas poussés assez loin, quoi. C'est-à-dire, en 2019, tu fais de l'autodérision, il faut se mettre en danger. Là, son personnage n'est pas assez, pourri, quoi. Martyrisé. Oui, c'est oui. Ça. D'ailleurs, quand on voit Louis C.K. qui fait Louis, ou Pamela Adlon qui fait Better Things, ou Fleabag, ou Stephen Merchant qui avait fait Hello Ladies, ils y vont à fond, quoi. On est vraiment dans le malaise. Là, la seule scène où on approche un peu de ce malaise, c'est quand il est dans l'escalier, que son fils est en train de le pourrir et qu'il entend tout et qu'il est assis à côté du nouveau mec de son ex-femme. C'est léger, quand même. C'est peut-être la seule scène pour moi qui fonctionne à peu près en termes de ton. Mais sinon, même la scène de l'aéroport où la fameuse fouille corporelle, en fait, elle est ellipsée. Oui. Mais Pamela Adlon, elle l'aurait filmée. Hein, on l'aurait retrouvée en slip avec un fonctionnaire qui lui fouille le cul, c'est sûr. Et en fait, je trouve qu'il prend pas assez de risques. Il prend pas assez de risques avec son image, ou le scénario ne prend pas assez de risques avec son image, mais il faut, à mon avis, il faut y aller à fond, quoi. Et, et je rejoins Fiona, c'est vrai que quand c'est drôle, ça devrait être plus drôle. Quand c'est pathétique, ça devrait être plus pathétique. Quand c'est triste, ça devrait être plus triste. Pour moi, c'est plus une question de curseur, mais ce qui est frustrant, c'est que j'ai trouvé que tous les éléments étaient là. Les enjeux, les personnages secondaires. Moi, il y a des personnages que j'ai bien aimés. Yannick ? Oui, non, moi je suis d'accord avec toi, mais justement, je pense que le gros souci, c'est qu'on sent que c'est feignant. C'est que les mecs sont pas fait chier du tout, quoi. Ils ont un concept de base et ils ont rien. Ils ont Gad et ça suffit. Et moi, je trouve que le pire, c'est que tu crois même pas à Gad. La vie qu'il raconte de Gad, qui se tape des meufs et tout, je la trouve horrible. C'est-à-dire que nous, tu connais le Gad, tu vois, tu sais qu'il est sorti avec des princesses et tout. Tu crois pas une minute à sa fausse vie. Il est sorti avec des princesses ? Non, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que. Ah non, que je croyais vraiment princesse de Monaco. La vie que tu racontes dans les clubs où il va, je crois à rien. Je crois à rien du tout. Donc déjà, là, ils m'ont lâché. Très bien, Fiona. Mais justement, ouais, c'est pour ça que je suis aussi remontée, que je dis que c'est nul. Parce que je trouve qu'il y avait la matière et que juste, c'est ça qui m'a vraiment le plus énervé. Tu as mis le mot dessus, c'est feignant. C'est... Ils ont fait trois fois le même gag avec la vidéo. C'est interdit. Oui, mais non, mais non. Ils ont fait trois fois les mêmes gags. Non, ça peut être une comique de répétition. Exactement, c'est un comique de répétition. La troisième fois, tu fais un truc différent. Juste. Ne serait-ce que le téléphone s'éteint. T'as dit truc, je suis désolé. Oui, mais justement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il le fait une première fois. Et en plus, c'est plutôt surprenant parce qu'il arrive à l'aéroport et d'un seul coup, ça passe à Gad. Même j'ai cru que mon Netflix avait bugué. Après, il le refait une deuxième fois avec son assistant qui est plutôt marrant d'ailleurs. Il le fait une troisième fois à la salle de sport. Là, tu as raison, c'est trop. Mais surtout, là, moi, je trouve que cette scène ne marche pas, c'est qu'il aurait dû comprendre à ce moment-là qu'il n'était pas célèbre. Il aurait dû comprendre que montrer cette vidéo, et le problème, c'est que ça en fait un personnage, ça en fait un crétin. Mais c'est un crétin, et d'ailleurs, il est pas assez crétin. Sur la comédie, sur les répétitions et le côté feignant, les ressorts comiques qui reviennent, c'est le fait qu'il prononce tout le temps c'est Gad, comme si tout, oui. De manière ridicule, comme s'il si a l'habitude de comprendre, alors que bon, là, non, mais il est débile, effectivement, à ce moment-là, il est vraiment débile. Donc ça le rend pas attachant, ça le rend pas, t'es pas en empathie avec lui. Et il n'est même pas le loser sympathique. Et ce que je reproche également, c'est par exemple le comique de répétition, donc on l'a sur la vidéo, mais on l'a aussi. Ce qui revient souvent, c'est Gad qui dit c'est Gad tout le temps, ce qui le rend débile, de ne pas comprendre que ça ne marche pas ici. Et puis aussi, il joue beaucoup sur le fait que Gad ne parle pas très bien anglais ou ne comprenne même pas certaines expressions. Il y a toute une scène où il ne comprend pas l'expression « the sound of something, I like the sound of that ». Mais pourtant, une scène plus tard, il utilise cette expression, donc il la connaît. Donc ça ne fonctionne pas. Et je trouve que voilà, c'est très très feignant. Et la seule blague, parce que en fait, le problème, c'est que c'est quand même une série comédie, donc on est censé se marrer. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne me suis pas marrée. Je me suis jamais marrée. Et la seule vanne, entre guillemets, que je sauverais, c'est quand il est en haut des escaliers avec Alan Ross et qu'il lui dit, le mannequin, si ton fils ne fait pas la Fashion Week à 18 ans, autant qu'il se trouve un job normal. Et Gad dit, ah ouais, on ne voudrait pas ça. Hein. Je trouve ça plutôt sympathique comme réplique. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. Non, mais je te trouve dur. J'en sauve pas grand-chose. Mais même quand il est... devant le club de gym, oui. Et qui dit ah c'est quelque chose que vous faites que font les Américains, il dit de faire du sport la nuit, quoi. Il dit mais il y a quoi, il y a une réduction, et l'assistant répond normalement bah non je crois pas et tout ça, et en gros c'est ça, c'était la blague de Gad, il fait qu'il y a une réduction, ce qui est quand même une blague complètement nulle. Il fait non et il doit expliquer, il fait non mais c'est juste mon observation. Ah oui. Il dit mais c'est le problème, c'est que la blague elle est pas drôle. Il faut souvent expliquer, j'ai l'impression, souvent expliquer, c'est lourd en fait, il y a rien de très léger, très subtil, on est obligé de repasser, enfin c'est exactement comme symptomatique de la vidéo, on l'utilise trois fois pour la même chose et il y a plus de surprise à la fin. Ah, j'ai cru que tu allais dire c'est symptomatique de l'humour de Gad Elmaleh, l'observation. Bah, non, oui, mais l'observation c'est drôle. Là quand même dire bah quoi ils font la nuit mais quoi il y a une réduc. C'est pas une blague, c'est même pas drôle. Enfin, c'est une blague, c'est une qui est pas drôle. Enfin, moi, ça me surprend pas plus que ça que des gens fassent du sport le soir. Enfin, il y a un côté genre d'où tu. Enfin, quel est le décalage vraiment entre la France et les États-Unis là ? C'est pas très bien expliqué. C'est pas joué. C'est non, pas mais joué. Ça, là-dessus, vous avez peut-être raison. Enfin, justement, je vous trouve très dur avec la série. J'ai pas trouvé terrible, mais j'ai pas trouvé abominable non plus. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis au bout de cette série. J'ai regardé tous les épisodes. Et un des éléments que je trouve qui traite bien. C'est le clivage France-États-Unis, c'est-à-dire que quand sa femme, enfin ils ont des centres d'intérêt, le gosse, tout ce qu'il rêve, il est déjà hyper bien foutu, il rêve d'avoir des implants pectoraux, je ne sais pas comment on dit, le mec est un ancien mannequin, et puis sa mère est instagrammeuse, et quand elle lui dit oui moi j'ai presque 35 000 likes, et puis Gad Elmaleh il fait oui moi j'en ai 1 million, et puis il y a son assistant qui fait ah 1 million, c'est bien, faut... mais c'est en France, hein, ça vaut rien. Il y a un taux de conversion. Il y a un taux de conversion. C'est vrai que ça, c'était beau aussi. Ça, honnêtement, c'était plutôt bien fait. C'est la seule vanne entre les États-Unis et la France qui marche. Le reste, c'est ridicule. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Après, c'est un catalogue de clichés abominable. Oui, mais moi, j'ai rien contre les clichés. Mais justement, c'est... Tout est lent. Tout est très expliqué. Ils expliquent absolument toutes les vannes. Non, c'est pas vrai. C'est pas si les vannes sont expliquées. Toutes les vannes sont... devant la salle de sport, il explique sa vanne. Il a le droit de faire ça. Je parlais pour le rythme. Honnêtement, j'ai pas trouvé que ça manquait de rythme. Mais Fiona ? Moi, je me demande quel est le public. Est-ce qu'il s'adresse aux Français ou aux Américains pour cette série ? Aux Français. Ouais, parce que les Américains, ils en prennent pour leur grade. Je sais pas si... Il faut choisir. Parce qu'en fait, si c'est les Français, ben déjà tu l'appelles Gad Elmaleh, jamais en France il a dit c'est Gad. Donc, c'est pas vraiment lui. Je sais pas, faut choisir. Je pense que Gad Elmaleh, dans la vraie vie, il a des enfants. Mmh. Oui, et d'ailleurs, c'est basé sur sa vie, parce que son fils, il est mannequin aux États-Unis. Ah bon ? Ah, j'ignorais. Il l'a pas eu avec une actrice américaine, c'est pour ça que tu crois pas à ça. Je peux l'acheter. Franchement, je peux l'acheter, ça, qu'il ait un fils. Mais oui, non, mais c'est mec, tu vois, Eric Judor fait exactement la même chose dans Platane. Non, mais il dit je suis Eric Judor, c'est ma vie, je connais Ramsey, alors qu'en fait c'est pas sa vie. Dans la vraie vie, il a des jumelles, il a une femme, des enfants, oui, et il a l'air pas. Il y a une série avec Franck Dubosc aussi que j'avais trouvé un petit peu plus réussi, justement, où il vivait une vie de star. Il jouait vraiment sa vie, mais c'était un peu plus pathétique. Ça marchait mieux dans le malaise. Il y avait notamment une scène, je me permets de la raconter, où il allait chercher un colis à la poste, mais sauf qu'il avait oublié sa carte d'identité. Et la meuf lui disait bah non, je suis désolée, monsieur Dubosc, mais je peux pas vous remettre votre colis sur votre carte d'identité. Il insistait et tout, la meuf était catégorique. Et bon, donc il disait bon, bah je repasserai. Et avant de partir, il lui disait mais je peux avoir un autographe. Enfin, et tout était sur cet humour là que je trouvais assez juste en fait. C'était plutôt drôle. Et ça me fait penser aussi à un contre-exemple, par contre, c'est Hollywood avec, comment elle s'appelle, Florence Foresti et Jamel Debbouze. Et Jamel Debbouze, que j'avais trouvé plutôt raté et qui jouait pas mal sur ce décalage aussi entre je suis un peu une star aux en France parce qu'elle fait la voix d'une meuf, voilà. Et personne ne la connaît, Florence Foresti, dans ce film. On connaît sa voix. En France, elle s'est très bien. Enfin, je m'en souviens presque plus de Hollywood, mais il me semble que elle sait très bien qu'elle est pas connue aux États-Unis. Oui. Mais en tout cas, ni en France d'ailleurs. On jouait pas mal sur le décalage entre la France et les États-Unis, et je trouvais que c'était raté aussi. Enfin, il y a une super scène où elle a un accident de voiture et fait Do you know Matmut? Do you know Chevalier Las Palais? Voilà, qui était pour moi la meilleure vanne du film. Mais là, on s'égare un peu, je trouve. Mais juste. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi du fait qu'il loge au Tropic Canyon, que son assistant là vienne le chercher dans une voiture pourrie? Justement, après ils nous disent il a plein de thunes, il a toujours plein de thunes. Pourquoi il vit une vie pauvre? Ah non, mais alors ça. Et en plus de ça, il est censé avoir une tournée avec 36 dates, donc il a tout plaqué. Oui. Mais alors qu'est-ce qui se passe dans sa vie en fait? Enfin, il a tout plaqué pour, et après il est même pas sûr de rester finalement à la fin. Il se dit oui, bah finalement je veux rester un peu plus longtemps. En fait, on connaît pas ses plans. On connaît pas. C'est un pilote. Il vient chercher son fils, il vient renouer avec son fils. Oui, à cause de papier. Moi, je trouvais ça clair, mais. Merci, Cédric. Ouais, mais on sait pas dans quoi ça. Enfin, en quelle est la cassure avec sa vie, en fait. Puisqu'on ne sait pas s'il a abandonné toute sa vie, s'il pense juste faire l'aller-retour en deux jours. En fait, du coup, on a du mal à voir la prise de risque dans Gad Elmaleh, dans sa trajectoire. Et c'est vrai que, par exemple, quand il arrive dans son hôtel où il dit putain, c'est de la merde ici, bah, moi, j'étais là, bah, franchement, il est pas pourri cet hôtel, enfin je veux dire. Il est habitué, t'as vu son appartement à Paris. Oui, mais c'est pas, il dit à son assistant, putain c'est vraiment de la merde ici, putain je le trouve dur, tu vois, il joue un connard. Ouais, mais. Mais pour vous, je sais pas, c'est bizarre. C'est dur à écrire les personnages de connards parce que il faut quand même qu'on les aime. C'est et ça, du et coup, là, je trouve que ça raté. S'ils sont juste, ouais, mais c'est clair qu'on n'est pas assez en empathie avec le personnage. Si ils sont juste connards, on s'attache pas. Il faut qu'on comprenne pourquoi ils sont connards à un moment, c'est-à-dire il faut qu'on comprenne pourquoi ils souffrent, ou alors il faut qu'ils soient tellement ridicules qu'ils sont drôles. Et là, on est dans des personnages à la Kenny Powers et ça marche. Mais ce qui est gênant aussi, je trouve, c'est que justement, Gad est censé être un humoriste et il fait deux blagues dans tout le pilote, mauvaise. Enfin, merde, mais elle fait des blagues, gars. Enfin, pourquoi il fait pas de blagues? Il fait des blagues sur rien. Parce qu'il en a marre, il a dit j'arrête la comédie, j'arrête d'être drôle. Et c'est pour ça, et t'as vu la suite. Donc le problème d'objectif, est-ce qu'il en a marre de la comédie ou est-ce qu'il a perdu son humour? Les deux. Mais non, il n'a pas perdu son humour. Ça commence. Ah, si, je te jure qu'il a perdu son humour. Non, mais ça, après, l'a-t-il déjà eu? Ça, c'est une autre question. Mais là, honnêtement, justement, pour dire que. Ça, c'est ton avis personnel, je te le laisse. Mais justement, là, pour revenir sur l'assistant chinois, que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il joue aussi, bien. Oui, moi aussi, et je trouve intéressant. Et surtout, rien que... Ce qui m'a fait penser à Entourage. Oui, enfin. Et après quand il vient le chercher dans sa voiture pourrie et qu'il dit « Ah, vous êtes assistant d'un tel, un tel », il fait « Non, non, j'ai observé les assistants, c'est pour ça qu'il y a des astérisques. » J'ai trouvé ça drôle. Et après, on comprend. Alors, je vais spoiler la suite. C'est-à-dire que mon début, je ne comprenais pas. Je dis « Mais d'où vient ce mec ?» Et en fait, on comprend plus tard. Attention, je vais spoiler le reste de la série, mais c'est un mini-spoil. On comprend que c'est l'agent de Gad Elmaleh en France qui lui a fait exprès de lui filer un mec pourri pour que ça se passe mal aux États-Unis pour qu'il rentre. Sauf que ça marche pas du tout parce qu'il arrête pas de l'aider en vrai. C'est ça, c'est ça. Mais l'objectif de l'agent qu'on voit là, c'est qu'il revienne le plus rapidement en France. Donc lui, son but, c'est que ça se passe mal aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il lui a filé un assistant inexpérimenté. Oui, sauf que ça marche pas du tout parce que cette intrigue est complètement nulle. Non, il est adorable ce garçon. Bah oui, il est adorable et il l'aide. Il arrête pas de l'aider pour son fils. En fait, c'est le personnage le plus attachant. C'est complètement idiot. Il a le plus de conflits. Il est là, il se fait virer le premier jour. Alors, honnêtement, t'as pas regardé la suite, mais honnêtement, le traitement du personnage du beau-père de Joss Alan Ross est plutôt bien fait. Et il a une trajectoire. Et honnêtement, à la fin, on s'attache énormément à lui. Moi, j'étais attaché avec lui. La fin, parce qu'on peut pas parler de la fin de la série, mais pour moi, complètement raté. Mais là, on va regarder la série. On a regardé jusqu'au bout. Ah, j'ai téléchargé un plugin qui permet de regarder les séries en accéléré, je te la recommande. J'ai un grand respect pour toi. Merci. On va s'arrêter là sur cette série. Tour final, est-ce que, je vais poser une question différente du cinéma, est-ce que ça t'a donné envie de regarder la suite, Cédric ? Ben oui, parce que oui quand même. C'est pour ça que pour moi c'est pas complètement raté, je suis un peu curieux. Voilà, merci Cédric. Yannick ? Non, moi je mets un pouce négatif dans Netflix. D'accord, mais est-ce que tu vas regarder la suite ? Pas du tout. D'accord, est-ce que tu voudrais que je te la raconte au moins ? Je veux bien. C'est ça. Marie. Eh ben, j'allais dire, comme Cédric, j'ai envie de connaître la suite. Et puis, en fait, je voudrais faire comme Yannick, je voudrais que tu me racontes ce qui se passe. Comme ça, ça me permettrait d'assouvir ce besoin de connaître la fin sans m'infliger toute cette série. Très bien. Fiona. Moi, j'ai voulu voir la suite, mais parce que, justement, en tant que scénariste, je voulais voir comment ils allaient traiter ça. Et j'espérais vraiment qu'au moins, à la fin, il y aurait quelque chose d'émouvant et de réussi. Et j'ai pas du tout été servie. Et voilà, si je suis aussi remontée, je pense, parce que vraiment, je trouve que c'est extrêmement feignant, c'est même pas une V1. Écoute, je vous trouve plutôt sévère, hein, vous trois. Moi qui, en plus, pars avec première version V1, pardon. Je pars avec un a priori négatif, parce que j'ai jamais Gad Elmaleh, il m'a jamais fait rire, donc je me suis dit, oh, une série basée sur lui, ça va être insupportable. J'ai pas trouvé ça si mal que ça, honnêtement, le temps est passé vite, je trouvais ça relativement rythmé, ça m'a donné envie de voir la suite, j'ai vu la suite. Et si vous avez, je sais pas combien de temps, il y a 13 épisodes, 20 minutes, donc si vous avez 13 fois 20 minutes, écoutez, pourquoi pas, le pognon qu'ils avaient, etc., il y a quand même des meilleurs auteurs, quoi. Ah oui, mais tout le pognon. Oui, mais c'est Gad Elmaleh lui-même qui a écrit le pilote, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est des scénaristes américains qui ont travaillé avec lui, du coup. Ouais, deux américains et lui. Je vais te redire les noms. On a Andy Mogul et Jared Paul. Oui. Et Gad Elmaleh, je sais aussi. Shame on you. C'est le pseudo, je pense. Ok, on enchaîne avec Miracle Workers. Et alors, j'ai regardé le générique. Alors, il y a la responsable scénaristique qui est Sirocco Dunlap et le chef scénariste qui est Jeff Loneless. Je n'ai pas compris la différence entre responsable scénariste et chef scénariste. Et il y a quatre autres scénaristes, donc je ne vais pas noter les noms parce que ça fait beaucoup de gens. Et c'est Fiona qui nous le pitch. Au paradis où Dieu a complètement lâché l'affaire en ce qui concerne le sauvetage de la Terre et de ses habitants, Elisa, une de ses employées, est mutée au service des réponses aux prières, où elle rencontre Craig, qui travaille seul depuis des millénaires. Craig n'a les moyens de répondre qu'aux toutes petites prières, notamment celles qui concernent les clés perdues. Mais Elisa a de plus grandes ambitions et répond à la prière d'un homme mourant de soif. Mais ce faisant, elle provoque collatéralement un cyclone dévastateur sur le globe. C'est la catastrophe de trop pour Dieu qui jette l'éponge et décide tout bonnement de faire exploser la Terre. Pour l'en empêcher, Elisa fait un pari avec lui. La Terre restera intacte si Craig et elle parviennent à réaliser le plus difficile des miracles, faire que deux humains qui s'apprécient se mettent en couple. Cédric. Deux humains timides. Deux humains timides qui s'apprécient. Ben moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'est un humour absurde, bon c'est très cynique, c'est peut-être pour ça que j'ai aimé aussi, j'ai trouvé ça très british, et j'ai trouvé que j'ai assez adhéré à l'univers, malgré que ce soit bien barré, ça m'a fait un peu penser à, comment ça s'appelle, c'est The Good Place. Malgré que ça dit par un vrai truc. J'y ai pensé mais je l'ai pas dit. Voilà, enfin, moi j'ai passé un bon moment et j'ai regardé le deuxième épisode. J'ai pas encore eu le temps de voir la suite, mais je pense que je regarderai la suite. Bah écoute, je suis d'accord avec toi, c'était une très bonne surprise. Je sais absolument pas de quoi ça parlait quand j'ai lancé la série. J'ai vu Steve Buscemi, je me suis dit, oh tiens, c'est sympa. En plus, le début, le dialogue est super marrant. Il y en a un qui dit qu'il a fait une overdose de sel de bain et puis il a arraché le visage d'une femme. Je me suis dit, ok, d'accord, on est parti dans vraiment de l'humour hardcore comme j'aime. Et c'est honnêtement. Alors, pour moi, il y a un problème d'originalité. C'est-à-dire que c'est pas extrêmement original, les séries qui se passent dans l'au-delà, on en a beaucoup vu, et surtout les séries d'au-delà qui gèrent ça de façon bureaucratique. C'est-à-dire, moi, là, j'ai eu deux exemples qui m'est venu tout de suite. Il y avait Dead Like Me, où il y avait un petit côté comme ça. Hein. Et puis, la dernière saison de The Good Place, pareil, se passe dans un monde bureaucratique. Donc, je me suis dit, c'est pas nouveau, mais pourtant, ils ont tout ce qu'ils devaient faire, ils l'ont réussi de manière assez probante. Et honnêtement, je me suis bien marré en voyant ce pilote. Fiona. Oui, c'était plutôt positif aussi. J'ai pas ri aux larmes, mais c'était sympa. En fait, plus que drôle, je trouvais ça assez charmant. L'univers me plaisait bien. Après, j'aime bien moi les séries qui parlent de Dieu et de l'au-delà. Ça me plaît bien. Je trouve que c'était bien joué. J'ai deux petites réserves. En fait, c'est très bizarre, mais je trouvais que c'était drôle. Mais que je riais pas beaucoup. Et j'avais l'impression, et pour le coup, c'est assez inexplicable, que ça devait être plus drôle sur papier. J'ai l'impression que les effets... En fait, peut-être parce que je voyais le script écrit dans ma tête, et ne serait-ce que la première séquence où Dieu rembobine pour entendre Praise God, Praise God, Praise God plusieurs fois, et que Praise il est interrompu par le God de la nana, enfin le God de la nana, G-O-D. Hein. C'est pas son assistant qui... Oui, enfin de son assistante qui l'interrompt. Ce rythme-là, je le voyais très bien à l'écrit, et je trouvais qu'il marchait pas si bien que ça. Visuel, pareil sur le fait que je trouve que la blague est très drôle, que justement ce type-là qui dit ouais, Dieu merci, franchement il y a des choses magnifiques qui se passent, et qu'en fait c'était ses derniers mots avant de mourir dans une explosion horrible. Donc ça marche bien, mais je sais pas pourquoi. Je voyais mieux, je pense que c'était plus drôle à l'écrit. Oui, je pense que c'est un problème de montage, un problème peut-être un peu de rythme. Les acteurs. Peut-être de mise en scène, un peu de rythme, je pense. Les acteurs sont très bons, donc j'ai rien à leur reprocher. Mais pareil, c'est un peu comme les blagues sur F7 pour muter leur connerie à Craig et Elisa. Dans leur petit bureau, il y a un petit bouton pour pas entendre toutes les merdes qui se passent. Et ouais, je pense que ça manque peut-être un petit peu de rythme. Mais sinon c'est drôle et c'est charmant. Et puis j'étais contente de voir Daniel Radcliffe jouer autre chose que Harry Potter. Très bien, Yannick. Juste moi, pour répondre à Fiona, je me pose la question si c'est pas... choisi, c'est-à-dire que c'est une histoire de ton, c'est-à-dire je sais pas s'il voulait faire rire, je trouve l'univers mignon, et je me demande si c'est pas voulu que ce soit pas, tu vois, qu'il cherche pas la rigolade. Je me pose c'est vraiment bizarre, la question. C'est une série comédie. Mais je suis pas sûr. Enfin, je pose une question, j'en sais rien, je suis pas expert en la matière, mais moi j'ai trouvé ça mignon et ça m'a pas dérangé du tout, justement. Je trouve que c'était marrant. Et la scène où il vire l'arc-en-ciel, tu sais, quand il ferme le truc, ça m'a fait mourir de rire. C'est l'espèce de petite machine. Non, attends, t'as dit le truc. Cédric, qu'est-ce que t'as pensé du rythme ? Moi, le rythme, j'ai trouvé très bon. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Moi, je suis peut-être un peu d'accord avec Fiona quand même. C'est vrai que j'ai trouvé des petites longueurs ou des... Moi, c'est pas tant dans le rythme des scènes. Hein. C'est vraiment au niveau des blagues. C'est vraiment un tout petit décalage. Bah, c'est pas écrit punchy, quoi, mais ouais, en même temps, c'est effectivement, scène, je pense alors. Que Yannick a raison, c'est une volonté. C'est une volonté, hein. Ouais, sans doute. Après, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais. Non, justement, il y a beaucoup de blagues rajoutées par rapport au scénario de base, qui est pour le personnage d'Elisa, qui en a marre. Justement, moi, je trouve qu'il y a un problème sur elle, c'est que je ne comprends pas sa motivation ultime de absolument vouloir aider les humains. Et là, moi, je trouve, parce que moi, j'ai beaucoup aimé quand même ce pilote, mais on en vient, pour moi, le plus gros problème, c'est le problème d'enjeu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui risque les personnages ? C'est d'être au chômage. C'est-à-dire qu'il y en a un qui lui dit... Non, il sauve la Terre. Oui, mais il sauve la Terre, oui, mais on n'a aucun personnage humain qu'on connaît. Nous, on s'attache à des personnages qui bureaucrates qui vivent au paradis. Mais c'est pas des anciens humains, c'est pas des âmes... Il y en a un, il dit, ça fait 80 000 ans qu'il aide les gens à retrouver leurs gants. Mais c'est que, il dit, qu'est-ce que risque le personnage principal, qui est Elisa, donc qui est le protagoniste ? Au pire, la Terre est détruite, elle va retourner dans son boulot de merde. Attends, elle doit manger un verre de terre. C'est drôle, mais la blague est drôle, mais en termes d'enjeu, c'est extrêmement faible. Je veux dire, étant donné qu'on s'est attaché à aucun personnage humain, le fait de détruire la Terre, nous spectateurs, ah, ça nous colle pas trop. Et d'ailleurs le Greg, il dit il y a une meuf qui jouait dans The Office d'ailleurs, la blonde qui Angela, qui lui dit tu vas être mutée dans une autre galaxie, il y a plein d'autres galaxies, tu vas être mutée, et puis voilà. Est-ce que c'est vraiment un enjeu grave que de voir les gens au chômage? Il a l'air quand même attaché à son métier, enfin lui à son job. Ouais, je trouve que lui, non, elle, il a comme un enjeu. Elle, c'est vraiment par pur altruisme. Oui, pour, elle, tu sais pas. Pour la Terre, et c'est vrai que on a un petit manque de, on ne sait pas. C'est des anges en fait. C'est vraiment, ils ont une vie à part. Ils ont rien à voir avec la Terre. Donc... Ah, moi, j'ai compris que c'était des âmes humaines qui étaient enrôlées au paradis, mais peut-être mal compris alors. Mais à quel moment t'as compris ça? Je sais pas. J'ai vu le pilote il y a longtemps. Oui, non, mais c'est, pour moi, c'était, à part ce problème d'enjeu, je trouve que les blagues marchaient bien. La blague, justement, quand tu dis qu'il jette la machine à arc-en-ciel, il y a un running gag, il n'arrive jamais, n'importe qui n'arrive à atteindre la poubelle. C'est-à-dire que Dieu balance sa bouteille, il n'y arrive pas, elle jette quelque chose dans une poubelle, pas, et là, il balance la machine à arc-en-ciel, puis il se regarde, ah merde, ils n'y arrivent pas. J'avais même pas compris ça. Non, c'est un petit mimique de, personne n'arrive dans ce paradis à atteindre la poubelle. Et honnêtement, personnellement, moi, ça m'a fait marrer. Après, je suis plus heureux que vous en général dans la vie, c'est peut-être pour ça que je me marre plus. Après, sur l'enjeu. Il m'a manqué un peu la même chose avec Elisa, mais avec Dieu. Pourquoi c'est la catastrophe de trop? Je me suis demandé pourquoi maintenant il dit bon, c'est fini, allez, c'est bon, je vais ouvrir un resto. Concept qui était rigolo comme idée. Oui. Et là, surtout, j'aime bien Sanjay qui lui dit mais vous allez le mettre où? Du coup, c'est sur la Terre? Oui, dans l'espace. Il s'en fout, quoi. Mais pourquoi là, c'est maintenant que Dieu craque? J'aurais voulu aussi. Peut-être que dans la suite, ils en parlent. Peut-être. Mais en tout cas, ça, je trouve que ça donne quand même. Envie. Ouais, non, mais c'est honnêtement, moi, c'est sympa de voir une série aussi blasphématoire. Moi, j'adore qu'on utilise Dieu aussi comme personnage principal. Ah, surtout si c'est Steve Buscemi. Hein. Ouais. Et ça me rappelle une série d'ailleurs, une série d'animation que j'ai regardé, ça date de l'année 2000, ça s'appelle Dieu, le diable et Bob. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Où c'est le dieu et le diable qui font un pari pour savoir si ou non ils vont détruire la Terre. Et le diable a le droit de choisir une personne au hasard et puis Dieu de le convaincre de devenir bon. Puis évidemment, ils prennent un mec, un alcoolique. Bon, il y a eu qu'une seule saison, ça a pas marché. Mais ça m'a rappelé ce petit ton-là de se moquer de Dieu et ça, c'était plutôt très bien fait. Fiona ? La seule réserve que j'aurais pour la suite, c'est justement en fait, c'est ce pari. C'est. Merci. Leur objectif, ça va être de. Faire que ces deux humains qui s'apprécient mais qui sont timides se mettent en couple. Et du coup, je m'inquiète un petit peu pour la suite. J'ai rien vu à part cet épisode-là, mais je me dis, ah, du coup, est-ce qu'on va voir beaucoup la Terre? Est-ce qu'on va voir beaucoup juste ces deux-là? Ça m'intéresse moins. Je préférerais vraiment voir l'entreprise. J'aurais préféré qu'il y ait une grève générale et qu'on reste vraiment avec eux. Alors, je ne sais pas. Ça se trouve, on va quand même rester avec eux. Mais cet objectif-là de miracle me séduit beaucoup moins que tout ce qu'on a vu avant dans le pilote. Bah, je suis exactement d'accord, moi, c'est l'autre problème, c'est que elle le dit elle-même, elle dit oui, comment est-ce qu'on peut rater ça, ils ont deux prières communes, les deux veulent finir ensemble, enfin ça va être piece of cake quoi. Et moi en tant que spectateur je fais bah ouais, mais déjà qu'il y a un problème d'enjeu, il y a un problème de conflit, je veux dire ça va être hyper facile et on est censé croire Dieu qui dit oh, c'est jamais facile l'amour de toute manière. Mais justement, même si c'est pas piece of cake, bah, on va retomber sur une basique rom-com quoi. Oui, mais de toute manière là je pense basique non, mais une rom-com c'est un peu dommage. Oui, mais étant donné qu'ils ont quasiment tout montré dans le système du paradis, je pense que disait Cédric tout à l'heure, moi j'aurais préféré que ce soit justement un personnage qui vienne de la Terre et qui doit tout découvrir comment marche la mécanique du paradis et qui doit faire ses preuves et qui, lui au moins, on aurait compris pourquoi est-ce qu'il veut que les gens aillent mieux sur Terre parce qu'il vient de là. Et je pense qu'en faisant ça, ça aurait peut-être tout arrangé. Alors ils ont forcément dû y penser, ils n'ont pas dû le faire pour une raison spécifique, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah, non, si, par contre, je trouve ça cool la petite promesse. Je trouve que c'est assez fin comment ils l'ont fait de romance entre Craig et Elisa, juste avec le fait qu'ils soient rasés la barbe. Je trouve ça mignon. Voilà. Enfin, c'est un tout début de romance parce qu'elle n'est pas au courant. Oui, non, mais je sais, je trouve que c'est ça qui est chouette. T'as pas compris, t'as pas vu comment il la regarde à la fin? Il la regarde, il dit ah, tu te rases la barbe? Oui. Enfin, il fait un petit regard justement sur le fait que c'est facile de se mettre en couple et puis il lui jette un petit regard. Juste tout fin pour dire ah, petite promesse dans le pilote, je trouve ça pas mal. Ce qui fait que les anges peuvent se mettre en couple. Hein, vous êtes insensible à l'amour. Bon, non, moi j'ai rien. Je crois que c'est parce que ça parlait de burger, donc forcément j'étais vachement attentive. Oui, c'est vrai, ça, les gens n'ont pas de sexe, ils sont asexués. Oui, on se demande comment ils vont faire. Bon, tour final sur cette série. Cédric, est-ce que tu regarderas la suite? Mais tu m'as déjà dit que tu avais regardé la suite. J'ai vu l'épisode 2 et j'ai envie de voir la suite. Faut que alors attends, spoiler. Est-ce que ça se passe plus sur Terre? Oui. Ouais. Yannick? Ah oui, je recommande. C'est non, mais est-ce que tu regarderas la suite, toi? Je regarderai la suite. Je vais même regarder la suite. Ok, Fiona? Oui, j'ai envie de regarder la suite. J'espère que ce sera au même niveau et que ça va même devenir mieux, mais j'ai un peu peur. Voilà. Pourtant, j'adore tout ce qui se passe dans l'univers. Moi, ça m'intrigue beaucoup, exactement comme a dû faire The Good Place. Ils ont dû se réinventer saison après saison pour ne pas lasser. Et là, dès le premier épisode, c'est vrai que je me demande mais comment est-ce qu'ils vont faire la suite. Et je regarderai ne serait-ce que pour avoir la réponse scénaristique. Oui, Fiona. J'ai oublié un petit détail juste qui m'a agacé. Oui. C'est comment elle arrive en deux secondes à voir Dieu. Enfin, elle court dans le bureau. Ouais, mais bon, personne n'a essayé de voir Dieu avant ça. Bah, si, mais puis ils peut-être pas besoin de le voir. Ouais, faut pas que ça t'énerve, Fiona. Si, ça m'énerve pas. J'aurais bien voulu voir la sécurité qui surveille Dieu. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé les gens qui dansent quand ils ont retrouvé leur clé, puis qu'ils enlèvent flocon après flocon. C'est très drôle. On termine avec Final Space, écrit par Lisa Lane et Alex Sherman, et c'est Cédric qui nous le pitch. Après avoir détruit accidentellement une flotte spatiale pour épater une fille, Gary est condamné à purger sa peine à bord du vaisseau prison Galaxy One. C'est là qu'il rencontre un adorable alien vert qu'il baptise Mooncake. Mais Mooncake est poursuivi par de dangereux chasseurs de primes. Commence alors une course-poursuite pour échapper au sinistre Lord Commander qui rêve de capturer Mooncake pour accéder au Final Space et annihiler toute vie dans la galaxie. Ah, c'est que je n'avais même pas compris qu'il voulait atteindre le Final Space. Hein. À quel moment c'est dit dans le pilote ? Ah, c'est peut-être pas dit dans le pilote. Très bien. Oui, c'est exactement Marie. Ce que j'allais dire. Merci pour ce résumé, Cédric, parce que ça m'éclaire beaucoup sur ce que j'ai vu. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu obscur. Je pense que ça manque. Pour un pilote, c'est pas très explicatif. C'est un peu long. On a du mal un c'est petit peu. 20 minutes. Bah oui, bah pourtant c'est long, j'ai trouvé ça long. Parce que, en fait, je me suis sentie très à distance de ce personnage. Donc, qui est déjà, on met très longtemps à comprendre que c'est un prisonnier qui est dans un. Ça, c'est une bonne surprise. Mais c'est une super bonne surprise. Oui, mais en fait, on met très longtemps à comprendre tout et à tirer des conclusions. Et donc, en fait, on a du mal à se. Je trouve à s'attacher à lui et à comprendre ses motivations. Notamment, en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement raté dans ce pilote, c'est la rencontre entre les deux personnages principaux. Puisque le principe de la série, si j'ai bien compris, c'est que ce prisonnier qui a été seul pendant 5 ans et qui est quand même un vrai connard, trouve enfin son meilleur ami, un alien vert qui est son meilleur ami ou son animal de compagnie, on ne sait pas trop. Enfin bon, une solitude qui rencontre une autre solitude. Voilà. Et il aurait dû y avoir un coup de foudre entre ces deux personnes qui ne peuvent compter que sur elles. En fait, la création d'un binôme. Et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi ce prisonnier s'attache à cette alien. Ça dure à peu près 2 secondes. Et puis, paf, ça y est, c'est son meilleur ami. Il le cache sous son lit. Mais en fait on n'a pas le temps de voir leur amitié s'établir, leur lien se créer, que déjà merci d'ailleurs Cédric encore pour m'avoir éclairé, les chasseurs de primes arrivaient. Et de la même manière, l'alien, comme on n'a pas du tout compris qu'il était poursuivi, qu'il était en danger, on ne sait pas trop bien pourquoi, il s'attache à cet humain loser qui est pas très, qui est pas spécialement sympa avec lui, qui est pas méchant non plus. Je veux dire, on voit pas ce que les deux s'apportent. Oui, et donc, on ne comprend pas pourquoi ce prisonnier peut risquer. Après, ça fait 5 ans qu'il attend de sortir de tôle, et là, il est prêt à risquer sa vie, à rallonger sa peine, pour sauver un alien qu'il connaît depuis à peu près 30 secondes. Alors, je suis d'accord avec toi. Bon, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le pilote, mais un des gros problèmes, c'est que je trouve qu'il est prêt à sacrifier sa vie, mais 20 fois trop tôt. En plus, il nous dit le problème, c'est qu'il souffre de la solitude, il veut quelqu'un pour jouer aux cartes avec lui. Je pense pas qu'il puisse jouer aux cartes avec cette alien. Ça, c'est un des gros problèmes. Mais ils avaient besoin, ils se sont dit, bon, clairement, j'ai pas vu la suite, mais la suite de la série, c'est un personnage ultra important, une petite alien, et il va être déterminant pour la suite de l'histoire. Donc il fallait un attachement. Ils l'ont fait trop rapidement, je te l'accorde. Mais après, si t'arrives à accepter que le fait qu'il soit extrêmement attaché, ensuite le reste de l'histoire roule. Mais non, je trouve que c'est. Je suis désolée, mais je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est une série, où, comme je disais, un peu obscure, où au moins si tu t'attaches au personnage et à leur relation et au fait qu'ils ont l'air sympas et de s'aimer et de s'apprécier, ben, tu peux aller plus loin. Bah, être mignon, ça suffit pas. Quand il lui met son slip sur la tête, non, ça t'a pas plu. Bah, en fait, c'est une blague visuelle, mais c'est pas. Il y a aucun lien qui est créé entre les deux. Et puisqu'on a ni le contexte, ni l'intérêt de l'histoire, enfin, je veux dire, moi, j'ai eu aucun intérêt à suivre l'aventure, mais j'aurais pu continuer cette série si. Je m'étais attachée à ces personnages et à ce duo de héros qu'on m'a promis et que je n'ai pas vu. Très bien, Fiona. Je suis assez d'accord sur la rencontre trop rapide, mais ils font une petite astuce, c'est qu'ils lui rappellent sa chenille que lui a offert son père, peut-être un lien affectif, mais c'est vraiment. En mode, bon, bah voilà. Juste au moment où il est mort. On vous a créé du lien. Il lui donne son nom quand même. Oui. L'alien n'a pas de nom et c'est Gary qui lui donne un nom. Bah, qui lui donne le nom de la chenille. Ça, c'est absolument génial aussi. C'est qu'il rencontre l'alien et il lui dit, oh, c'est un alien qui fait des bisous. Je vais t'appeler, non, je sais plus comment. Mooncake. Hop, voilà. C'est-à-dire, l'alien n'a même pas parlé. Il sait même pas si l'alien a déjà un prénom. Il sait même pas s'il va le garder. En fait, il tombe sur un alien et paf, il l'adopte comme si c'était un chat errant, quoi. Enfin, bah, moi, ce qui me dérange plus, en fait, par rapport à ça, c'est justement, ça, moi, j'aurais voulu que ce soit la première personne, enfin, être qui rencontre depuis 5 ans et montrer ça, de dire, il y a quelqu'un, mon Dieu, t'existes, oh, c'est incroyable, on va pas, enfin, voilà, qu'il soit vraiment dans mais un ça va avec la caractérisation folle du personnage qui est quand même assez blasé, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire oui, la réaction, là, je comprends. Oui, justement, comme on dit, il a que Kevin qui lui tape sur les nerfs et ouais. La voix de Who, You. Ouais, voilà. Et puis tous les robots. Et les petits robots, voilà, mais du coup, ça fait 5 ans qu'il voit les mêmes tronches et là, il va en aller, il fait, ah, coucou l'alien, alors que justement, il le dit, il veut quelqu'un pour jouer aux cartes. Ça pourrait être quelqu'un en pour. En fait, l'arrivée de cet alien, ça devrait être le séisme qui bouleverse sa vie et qui lance l'aventure. Encore une fois, ça devrait être l'impulsion de départ. C'est un peu le cas. Et l'alien est poursuivi par les chasseurs de primes. Et après, ça déclenche ouais, tout, mais tout je reste que de c'est vrai qu'une petite séquence. Mais je suis d'accord avec toi sur l'attachement qui est pas bien mis en scène. En fait, je trouve que même dans la mise en scène, quand tu vois cette séquence de rencontre entre l'alien et ce prisonnier, très random. Tu ne comprends pas que cette séquence est un pivot dans toute la série, dans le concept même. En fait, c'est le concept même. Tu comprends avec le bordel de la fin, c'est-à-dire que quand c'est, tu sens qu'ils vont, crever, ils sont à deux doigts de crever. C'est, moi, j'ai compris là qu'il était important le personnage vert. Donc, pour te dire. C'est quand même dommage. C'est vrai que moi, j'ai cru pendant une seconde, ça m'aurait fait rire, mais que quand il dit oui, vous n'allez pas vous sacrifier pour lui, etc. Vous avez aucune chance de survie si jamais vous lâchez pas la lune, en gros, et qui le lâche, j'aurais voulu qu'on fasse « Oh, ok, salut enfin, !» qui est une blague comme ça pour dire « Bah non, effectivement, il n'est pas attaché parce qu'il n'est pas con, mais en fait, si. » J'étais très déçu. Ouais, j'étais un peu déçu. Mais globalement, sinon, sur l'humour, bon, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai eu un peu l'impression quand même de déjà vu qu'il y a un peu mieux ailleurs. Mais c'est un peu dur de juger. Après, je me suis dit « C'est un peu dur, je me demande si on n'est pas plus dur parce que c'est de l'animation adulte. » Et sur l'humour, je sais pas. Non, il y a pas de raison. Oui, après, effectivement, moi, ça tape dans plein de registres. Moi, il y a un truc qui m'a un peu fait. Désolé. Non, mais justement je crois qu'on va dire la même chose, Cédric. C'est que tu vas parler de. C'est ambitieux quand même de commencer une série par de l'ennui. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on apprend en termes d'écriture. Ne commencez pas votre série par un personnage qui s'ennuie. Et là, les 5 premières minutes, et à mon avis, Marie, l'ennui est peut-être venu de là. C'est que tu vois un personnage qui est dans un vaisseau spatial et qui ne fait rien et qui s'ennuie mortellement. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué de réussir à rythmer. Et justement, ils ont fait le personnage qui est un peu foufou, un peu dingue. Et heureusement, il donne des noms à des robots, puis il y a une IA qui le materne. Et comme on disait avec Fiona tout à l'heure, le fait qu'au bout d'un moment, on découvre qu'il est prisonnier, ça, c'est une sacrée surprise. Ah, tu l'avais deviné, Yannick, toi ? Ah non, mais moi, je suis totalement d'accord avec Marie. C'est pas ma question. Attends, est-ce que tu l'avais deviné ? Ah non, mais moi, je m'en suis foutu, en fait. Ouais. Ça m'intéressait pas. Moi, j'ai pas compris du tout l'univers. C'est-à-dire que tu m'aurais dit, il est prisonnier, acrobate, c'est la même chose pour moi. Je suis pas rentré dedans. Et là où je suis pas d'accord avec ton truc, c'est que toi, tu dis l'ennui. Désolé, tu peux pas le dire. Oui, Marie ? Mais en plus de ça, par rapport au fait que ce soit un prisonnier, je trouve que j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Enfin, certes, c'est une surprise, mais on a du mal à y croire. Le mec, ok, il a fait une connerie sur Terre. Il a fait une sacrée connerie quand même. Il a fait une sacrée connerie. Mais enfin, tu vois pas tellement les conséquences, enfin, tu sais pas à quel point c'est grave. Et il se retrouve prisonnier dans un vaisseau spatial immense à faire de la manutention, paraît-il, importante. En fait, tu dis, ok, à chaque fois que tu fais une connerie sur Terre, mais il y a combien de vaisseaux spatiaux dans l'espace avec un mec unique qui est là en train de faire de la certainement beaucoup. Hein. Ouais, c'est grand l'espace. Moi, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ça parce que je sais pas si vous avez vu le film Passengers avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt, mais surtout Jennifer Lawrence. Surtout Jennifer Lawrence. Qui commence pareil en fait sur un mec tout seul dans un vaisseau qui s'ennuie. Et en fait, j'aurais aimé avoir une surprise plus grande que d'apprendre que c'était un prisonnier, puisque finalement cette surprise, moi j'ai trouvé qu'elle tombait à l'eau. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur la surprise, parce que je trouvais que c'était plutôt bien joué. Et pour le coup, quelque chose qui m'a fait bien marrer, c'était quand il parle à sa copine et on se rend compte que c'est une meuf qu'il a vue une fois, une seconde, et que c'est un peu la cause de son arrestation. Mais oui, c'est un grand cœur. Je trouvais ça plutôt sympa. J'en ai fait un peu rigoler. Je me suis dit, il est un peu fou ce personnage et il est un peu creepy quand même. Hein. Il est un peu, ouais, mais pourquoi pas ? Moi, ça me dérange pas si c'est intéressant. Et puis clairement, comme la fille dans le générique, on peut supposer qu'on la revoit à l'épisode d'après. C'est sûr. Mais j'ai quand même eu. En fait, je me suis dit, tiens, ils veulent aller. Dans le rythme aussi, je me suis dit, ils veulent aller très vite sur des choses un peu à la manière de Rick et Morty, qui fout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos dans 26 minutes, mais pour le coup, qu'il le fait beaucoup mieux, quoi. Mais c'est pas du tout le même ton. C'est-à-dire que là, oui, je suis d'accord. C'est, pour moi, c'est de la dramédie. C'est ça qui m'a fasciné un peu dans cette série. C'est pas de la comédie, c'est pas de l'aventure. Ils sont vraiment entre les deux. Non, si. Je trouve que c'est les deux. C'est comédie, dramédie et aventure. Moi, je vois comédie-aventure. Hein. Je vois pas trop la dramédie. Hein. Ah, je sais pas, la scène où il flotte dans l'espace et il y a une espèce de compte à rebours et on sait qu'il va mourir. Ils vont assez loin quand même. Cette scène est censée nous émouvoir, j'imagine. Bah, justement, c'est là où je trouve il y a un autre problème, parce que là j'ai passé beaucoup de temps à défendre la série parce que Marie l'attaque injustement. Mais justement, c'est que la série commence par une shark theory, parce que justement, comme il va s'ennuyer après, bah, ils sont obligés de montrer quelque chose. Donc il nous montre, j'ai oublié le nom du personnage principal, comment Gary. Gary est sur le point de crever avec l'intelligence artificielle qui lui dit oh là là, tu vas mourir, t'es foutu, mon dieu. Flashback, on le voit dans sa soucoupe volante, et moi je me suis dit, ah bah à la fin de l'épisode, il va être en danger ça. Sauf que non, à la fin de l'épisode, il est quand même en danger, mais un autre danger. Et là je me suis dit, s'il commence déjà à faire des redites dès le pilote, c'est quand même mal barré, parce que maintenant je suppose. Chaque épisode commence sur cette scène, donc toute la saison 1. Donc je suppose qu'on arrive à cette fameuse scène dans le dernier épisode de la première saison. Donc du coup, je me dis, faire une redite dès le premier épisode, c'est quand même moyen. Ah ouais, en plus, moi j'avais même pas compris ça. J'avais pas compris, je croyais que c'était la même scène. Non, c'est pas la même. Alors là... Et je trouvais ça bizarre. Mais et puis, vous avez vu, puisque au début, il a son bras qui est ouvert et qui sort de l'oxygène, alors qu'à la fin du pilote, ça n'arrive pas du tout. Oui, mais je me suis dit, oh, c'est pas très raccord. Mais t'as bien vu exactement la même chose. Les gars sont. Enfin, vous avez vu qu'il n'a pas d'alien au début dans les mains. Ouais, mais j'avais oublié entre temps. Ah, c'est vrai que 20 minutes de mémoire. Non, moi j'avais vu dans ma tête, c'est une scène où il est en danger et à la fin, c'est une scène où il est en danger. Enfin, vous n'avez pas trouvé que c'était plus émotionnel que du Rick et Morty ou du. Bon, Rick et Morty, c'est hyper émotionnel. Ouais, c'est vrai, certains épisodes. Ah non, il y en a. Plus dans les nouvelles saisons. Ouais. J'ai pas spoilé Rick et Morty, mais il y a des fins d'épisode, c'est hardcore, faut s'accrocher. Oui, Marie. Alors, moi, je voudrais parler d'un sujet qui est tout autre, désolé. Top chef. Les femmes. Non. Les femmes, c'est sûr. Ah. Merci. j'en profite parce que j'avais exactement la même remarque pour Eugene France. En fait, je trouve que dans ces deux séries, la place des femmes est assez déplorable, on peut le dire. C'est-à-dire que t'as à chaque fois un seul personnage féminin. Alors, dans Eugene France, c'est une mégère qui s'est fait des thunes sur le dos de son mari en tirant des... Il l'a abandonnée ? Oui, mais enfin bon, elle est pas du tout sympa, elle a pas l'air de bien s'occuper de son fils non plus. Et ici, la meuf, c'est juste une bonasse qui l'a vue une fois, Badass. Elle est capitaine, elle a un vrai métier quoi. Oui, puis elle le grille en 10 secondes. Il tombe amoureux d'elle parce qu'elle a des gros nichons, je suis désolée, enfin, c'est juste ça. Je trouve ça hyper. En fait, c'est surtout, je trouve le manque numéraire de personnages féminins à l'écran qui est vraiment criant quoi. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, on a au moins 5 personnages principaux masculins pour une meuf. Et mais ça alors, choque alors, personne. Qui te dit que l'alien, c'est pas une femelle ? Bah, il est pas traité comme une femelle. Du tout, du tout. Oui, mais justement, les hommes et les femmes sont traités exactement de la même façon. Ah, tu vois ce que je veux dire, et c'est vrai que si ça avait été l'inverse, on aurait remarqué ça tout de suite, qu'il y a 5 nanas pour un mec. Oui, honnêtement, sûrement. Je trouve ça dommage en 2019 de faire des séries pareilles où on oublie que juste 50% des personnes qui regardent ces séries sont des femmes et elles ont envie de voir un peu elles-mêmes à l'écran. Sinon, je trouve ça. Moi ça me choque et ça me rend un peu triste de voir que on oublie. Il y a plein de personnages qui pourraient être des personnages féminins, ça ne changerait rien au concept, exactement. Mais ça permettrait d'apporter de la diversité et que nous on se sente représentés à l'écran. Et je tiens à dire, je pense que dans Final Space, je n'ai pas vu la suite, mais je pense que justement, il y aura une héroïne. Mais elle est maltraitée. Elle sera la meuf, j'imagine. Ouais, le personnage est très mal écrit, je rejoins complètement Marie là-dessus. Je savais pas, je me suis dit, j'avais espoir avec le générique qu'elle prenne vraiment du galon et qu'en se disant, elle avait l'air pas bête. Et, En fait, elle est très stéréotypée, c'est vraiment le personnage féminin badass, mais qui est insupportable comme lui est insupportable. Moi, j'ai une petite réserve sur les personnages. Le lovable loser, il n'est pas lovable pour moi. Le Gary. C'est vrai aussi. En fait, je crois qu'elle se ressemble un peu avec Eugene France, parce que dans Eugene France, je vous le dis tout de suite, les femmes ont une image pitoyable. Vraiment, il n'y en a pas une... Si, la petite copine... Non, c'est une abrutie finie. Non, Non, je parle de la petite copine du Némésis du fils, là. Celle qui va jouer au bowling. Oui, bah oui, mais elle est tellement idiote, elle se fait emballer par le crétin tout le temps. Enfin, tu dis, bah, pourquoi elle le plaque pas ? C'est pas un crétin, justement, il manipule tout le monde, il est méchant, mais il est pas crétin. Ouais, enfin, non, elles ont vraiment des rôles nuls. Et pareil, donc, dans Eugene Friend, tu dis, bah, pourquoi l'assistant, ce serait pas une assistante comique et voilà, sympa. Et parce qu'il le maltraite, donc du coup, il aurait maltraité une femme, je pense. Oui, bah maltraitons un peu les femmes, ouais, justement. Vaut mieux ça que de les voir comme des objets sexuels tout le temps. Et là, pour le coup, c'est dans Eugene France, mais c'est 100%. Il y a les prostituées, ce qui est ridicule en plus. Quand il couche avec, avec la... ouais, le non, producteur, qui est le producteur le plus ridicule à la télé que j'ai jamais vu, je crois. Oui, non, mais là, on s'égare. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. Bah, pour revenir à Final Space, là, justement, moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé, je regarderai la suite avec plaisir. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de redites, notamment sur Futurama. Et le petit alien vert, c'est vrai que pour moi, c'est une copie quasiment conforme de Nibbler, qui était le petit personnage de Futurama, qui était un tout petit personnage très mignon et qui en fait avait une force de destruction qui pouvait manger un peu n'importe quoi. Je ne sais pas qui est Rondoudou. Les Pokémon. Il y a énormément d'éléments empruntés à la pop culture. Parce que Rondoudou est puissant. Oui. Ok, bon. Pas chose à savoir. Et pourtant, j'ai joué à Pokémon Go. Mais Prépare-toi, il y a Détective Pikachu bientôt. Il y aura Rondoudou dedans. J'espère. Ouais, on va en parler ici, c'est sûr. Ah oui, il sera en podcast. Bon, allez, on va s'arrêter là pour Final Space. Tour final, Cédric. Est-ce que tu vas regarder la suite ? Tu as déjà tout vu, toi ? Non, j'ai pas tout vu, justement. C'est ça que j'allais dire. J'ai voulu tout regarder et en fait, je me suis arrêté en cours de route. Donc, ça peut vouloir dire quelque chose aussi. D'accord. Yannick ? Vu ce que dit Cédric, je vais pas y aller. Ouais. Je risque de m'arrêter avant. Bah ça t'a pas plu le pilote ? Ah non, j'ai pas comme Marie, j'ai pas compris. Ok, d'accord. Donc Marie, toi, on suppose que. Ah non, moi je regarderai certainement pas la suite. Si je te dis que le personnage principal après c'est une femme. Bah si Gary change de sexe. Pas, déjà, si Gary change de sexe. Si il s'identifie comme une femme. Ah peut-être. Écoute, tu stimules. Regarde Steven Universe alors. Fiona. Ça m'a pas déplu. Je dis oui, c'est pas mal, sympathique, c'est divertissant, mais. Pour le coup, je me suis dit, quand il y a eu le bandeau Netflix pour voir la suite, j'ai fait, moi, non. je fais ouche. Alors que sur Netflix, il faut cliquer pour ne pas voir la suite, sinon il te la lance automatiquement. Et je suis vraiment très feignante, donc j'ai fait l'effort de quitter. Donc oui, je pense qu'il y a mieux à voir dans ce genre-là, je pense qu'il y a mieux à voir. Ce qui est bien avec les séries, c'est que la sanction, elle est claire. C'est soit tu regardes la suite, soit tu la regardes pas, quoi. Mais c'était quand même mieux que la série du créateur des Simpsons, là. Désenchantés. Ouais, c'était raté. Mais j'ai toujours pas regardé. Donc lui, moi, Final Space, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Après, j'adore la science-fiction. Donc... Et en plus, j'ai l'impression que cette série, alors, ça c'est pas très très marquant dans le pilote, mais elle a l'air assez violente. Parce que le générique, justement, le personnage de femme qui arrache un mec, son corps, c'est tripes en deux, il y a du sang partout. Oui, enfin... c'est en ça que c'est un peu étonnant. Enfin, au niveau du tout, j'ai vraiment trouvé j'ai trouvé ça étonnant. Moi, c'est ça qui m'a intrigué, en fait, sur cette série. Okay. Mais... On s'arrête là, les recommandations et des recommandations de la semaine. Cédric ? Moi, je vais recommander la saison 2 de Fleabag, si vous êtes passé à côté de la saison 1. Il est temps de vous rattraper. Voilà. On peut regarder directement la 2 ou... Non, faut voir la 1 d'abord. Yannick. Moi, c'est du basket, c'est le panier de Damian Lillard, cette nuit, avec les Portland, qui est des Trailblazers, qui jouaient contre Oklahoma. Mm-hmm. Et donc, c'est le panier d'ici, à la dernière seconde. Il y avait 115-115 et il a marqué un 3 points quasiment du milieu de terrain. Mais du coup, s'il l'avait mis, il y aurait eu match nul et le match aurait continué. Oui, mais on se donc, ce n'est pas spécialement décisif. Hein. C'était cette nuit ? Exactement. Et c'est bien qu'on ait précisé qu'on a fait un spécial série parce que les gens avaient vraiment travaillé trop dans ce podcast. Oui. Moi, je voudrais recommander Le Clan des Autoris, qui est une série, une saga littéraire que je lis 15 ans après tout le monde, puisque c'est sorti, les premiers tomes sont sortis en 2002, de Gillian Rubinstein. Et dans cette série, les femmes ont vraiment des super rôles. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant. T'en es où ? Je suis au dernier tome. Tome 5 ? Oui. Ouais, c'est le meilleur. Fiona ? Moi, je vais recommander un spectacle, Torouk, du Cirque du Soleil. J'aurais dû le recommander la semaine dernière pour Dumbo, parce que c'est un cirque où il n'y a pas d'animaux, le Cirque du Soleil. Et des chevaux ou pas ? Non, parce qu'oublie pas que dans Dumbo, les chevaux ne comptent pas pour des animaux. Non, c'est la politique du Cirque du Soleil de n'avoir que des artistes et pas d'animaux depuis des années. Et comme d'habitude, avec le Cirque du Soleil, si vous avez eu la chance d'en voir, c'était plongé ailleurs. Il y en a partout, tu regardes, t'es vraiment dans un autre univers et c'est très beau. Voilà. Ok, bah moi, pendant qu'on est sur Netflix, je vais dérecommander une série qui s'appelle Black Summers. Je crois honnêtement que c'est la pire série et film compris de zombies que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, j'ai jamais vu des personnages aussi stupides. Ils prennent quasiment que des mauvaises décisions. Et alors, mention spéciale au barbu, dont j'ai oublié le nom, qui se retrouve donc en pleine invasion zombie. Hein. Il court, il se retrouve dans un supermarché où il peut tenir des mois, voire des années, et il oublie de bloquer la porte automatique. C'est-à-dire que c'est pas la, le zombie n'ouvre pas la porte, il suffit qu'il passe devant pour que ça s'ouvre. Et il ne la bloque pas. Et évidemment, il est obligé de s'enfuir, il se fait attaquer. Et alors, surtout aussi, quand même, il y a un sourd qui meurt, et il y a deux personnages, et au lieu de tirer une balle dans la tête, il préfère s'enfuir, sachant très bien qu'il va se transformer en zombie. Et ils lui mettent 25 balles ensuite pour le tuer. Et la fin, et c'est d'une mièvrerie absolument honteuse, ne regardez jamais cette série. On s'arrête là pour cette fois, et on se donne rendez-vous non pas dans deux semaines, mais dans trois semaines, puisque le podcast prend une petite pause, on va à Los Angeles voir nos anciens amis. Et au retour. J'ai dit nos anciens amis. Oui, c'est toujours des amis. Hein. Je veux dire nos anciens collègues. Je t'enfonce. Bon, je couperai au montage. Oh, on s'en fout pas. Ils écoutent pas le podcast. Ils écoutent pas le podcast. Mais... Bah, comme ça, je verrai s'ils écoutent. Et on se retrouve dans trois semaines où spoiler, on parlera de Avenger numéro 3 que j'ai vu ce matin déjà. Et non, Marie ne fait pas cette tête là et il est vachement bien. Et il est très intéressant. Et ils ont pris des risques. Pikachu. Et on y aura sûrement détective Pikachu aussi. Et tu pourras choisir le troisième, Marie. Vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch, et on se retrouve dans trois semaines. À bientôt.